est perdu. Et la personne doit répondre: Astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik. Qu'Allah protège ta religion, ton dépôt et la fin de ton œuvre. Et malheureusement, beaucoup de gens invoquent Allah ou bien ont délaissé ces invocations du prophète pour d'autres choses qu'ils disent, alors que ce sont que très peu de phrases à apprendre. Ibad Allah. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا في سفره كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر، يعني مشقة السفر، وكآبة المنظر من تغير النفس بسبب الحزن وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابد لربنا حامد. رواه مسلم. إذا علينا جميعا أن نقول هذا الدعاء النبوي في أسفارنا إذا ركبنا الطائرة أو السيارة والذي لا يحفظ هذا الدعاء يقرأه من كتيب أو يكتبه على ورقة. المهم أن يقول هذا الدعاء ولا يسافر بدونه. شخص عباد الله، il ne faut surtout pas que le voyageur oublie l'invocation du voyageur au début de son voyage. Abdullah ibn Omar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après être monté sur son chameau pour voyager, il disait: Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il disait Allahu Akbar trois fois. Ensuite, il disait le verset de Sourate Az-Zukhruf: gloire à celui qui a mis ceci à notre service alors que nous n'étions pas capables de les dominer, et c'est vers notre Seigneur que nous devons retourner. Ô Allah, nous t'implorons de nous accorder dans ce voyage bonté et piété et de nous aider à accomplir ce qui te satisfait parmi les œuvres. Ô Allah, fais que notre voyage soit rapide et sans peine. Ô Allah, c'est toi qui nous protège durant notre voyage et protège nos familles. Ô Allah, préserve-moi de subir un voyage pénible, d'avoir une triste mine ou d'avoir à mon retour de tristes nouvelles concernant mes biens, mon épouse et mes enfants. Et au retour, il dit la même chose en ajoutant: nous retournons chez nous pleins de repentir en adorant Allah notre Seigneur et en célébrant ses louanges. Rapporté par Muslim. Donc, nous devons tous essayer de dire cette invocation prophétique lorsque nous montons dans l'avion, lorsque nous montons en voiture ou dans le train ou autre, en prenant exemple sur notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne connaît pas par cœur cette invocation, qu'il la lise d'un livre ou l'écrive sur un papier, ou bien que quelqu'un lui la dicte, l'important est qu'il ne voyage pas sans avoir dit cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوءة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أيها المسافرون، إن فضل الله تبارك وتعالى واسع. من فضل الله تبارك وتعالى أن الأعمال الصالحة التي كان يعملها العبد والتي تفوته بسبب سفره فإنها تكتب له وإن لم يعملها. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا وأيضا المسافر مستجاب الدعوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيه دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم رواه أبو داود والترمذي والرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفره إذا علا على شرف كبر وإذا هبط واديا سبح فيشرع للمسافر التكبير إذا ارتفعت به الأرض والتسبيح إذا انخفضت به الأرض والطريق كما تعلمون في السفر كله صعود وهبوط فيسير المسافر بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري وكذلك احرصوا رحمكم الله على النظر والتأمل في الكائنات التي تمر بكم في الطريق أو في الجو أو في البحر فإن من غايات وأهداف السفر في الإسلام التفكر في آيات الله تبارك وتعالى ومخلوقاته قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Chers voyageurs, la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et de sa bonté, il fait que les œuvres pieuses que le voyageur ne peut accomplir à cause de son voyage lui sont inscrites. Allah les lui inscrit sans les accomplir. Al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le serviteur tombe malade ou voyage, Allah lui inscrit ce qu'il accomplissait résident et en bonne santé. Et une importante chose à savoir, les invocations du voyageur sont exaucées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, trois invocations sont sans aucun doute exaucées. L'invocation du père pour son enfant, l'invocation du voyageur et l'invocation de celui qui a subi une injustice rapportée par Abu Dawud al-Tirmidhi. Et malheureusement, très peu sont les voyageurs qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qui lèvent leurs mains vers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'invoquer pour les choses de ce bas monde, pour eux-mêmes ou pour leurs proches ou pour la communauté musulmane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, pendant ses voyages, lorsqu'il montait une côte, il disait Allahu Akbar, et en descendant une pente, il disait Subhanallah. Donc, le chemin du voyageur n'est que côte et pente, comme vous le savez très bien. Le musulman, grâce à son voyage, fait alors partie de ce que l'on appelle « al-dhakirin Allah al-kathira », les invocateurs d'Allah. Et Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu a dit, lorsque nous montions, nous disions « Allahu Akbar » et en descendant, on disait « Subhanallah ». Et également, chers musulmans, soyez assidus à l'observation et la contemplation des créatures d'Allah que vous voyez sur la terre, dans les airs et sur la mer, car cela fait augmenter la foi et cela fait partie des buts et des objectifs du voyage. Le fait de voyager pour méditer sur les signes d'Allah et ses créatures. Allah nous dit dans le Coran, dit « Ô Mohammed, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. » Ayyuhal Mu'minun. في مكان سفركم لا بد من مراقبة الأولاد لا بد من معرفة أين يذهبون ومتى يدخلون ومتى يخرجون ولا بد من معرفة جميع أحوالهم لا ينبغي الأب أن يطلق العنان عن أولاده في السفر وبعض الشباب كما لا يخفى عليكم يرتكب في سفره ما لا يرتكبه في مكان إقامته وهناك أمر جديد ذكرناه أكثر من مرة أمر جديد وفي غاية الخطورة وهو سفر الأبناء لوحده. أو يسافر الآباء ويتركون أولادهم في البيت. فيسافر كل واحد منهم مع أصدقائه، والبنت أحيانا تسافر مع صديقاته وصديقاتها، والأب والأم يقبلان ذلك. وأنتم رحمكم الله ترون أولادكم غير مستقيمين وهم بجواركم، ثم تسمحون لأنفسكم ولأبنائكم أن يتغيبوا عن أنظاركم أسابيع طوال. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيسأل الأبوان عن تربية أبنائهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. Chers croyants, pendant vos vacances, il faut absolument surveiller les enfants, savoir où ils vont, quand ils entrent, quand ils sortent, qui ils fréquentent. Il faut savoir tout sur vos enfants pendant les vacances. Car certains jeunes, comme vous le savez, font pendant les vacances des choses qu'ils n'oseraient pas faire là où ils résident. Et nous avons cité à plusieurs reprises une nouvelle mode et un nouveau phénomène qui est apparu chez les musulmans. Alors c'est une chose propre aux non-musulmans. Le fait que les enfants, que les adolescents, que les jeunes voyagent seuls. Les parents vont au pays et l'enfant qui a 18, 19, 20 ans voyage avec ses amis à l'autre bout du monde. Parfois même, la fille voyage avec ses amis sans mahram, sans rien. Alors que beaucoup de parents voient leurs enfants à leur côté ne pas suivre le droit chemin. Alors qu'ils sont juste à côté de vous. Ils sont dans votre quartier et vous les voyez désobéissant à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que penser de vos enfants lorsqu'ils seront à des centaines et à des milliers de kilomètres de vous. Également, il ne faut surtout pas que les parents voyagent et laissent leurs enfants à la maison. Soit vos enfants voyagent avec vous, soit vous restez ici avec eux, mais en aucun cas, il ne faut les laisser seuls. Et, comme vous le savez, les parents seront questionnés yawm al-qiyamah sur l'éducation de leurs enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau, rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Et il dit également: il n'y a pas un serviteur à qui Allah a confié une responsabilité qui meurt le jour où il meurt en n'ayant pas été sincère avec cette responsabilité sans qu'Allah lui interdise le paradis, rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Ma'ashara al-Muslimin, min al-adab aydan, adam al-ghaflati an al-wajibat al-shar'iyya. وعلى رأسها الصلوات الخمس في أوقاتها، فإنه يستحب للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في سفره، ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقت أحد إحداهما. ومع الأسف يفرط كثير من الناس في الصلوات في أوقاتها في رحلاتهم وأسفارهم، وقد تغرب الشمس ولم يصلي إلا ظهرا ولا عصرا. وقد قال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا يجوز كذلك أن يقصر في مكان سفره إن كانت مدة سفره 4 أيام فصاعدا. أيها المسلمون، كذلك ينبغي أن يحافظ على الصلاة في المسجد إن كان سفره إلى بلد إسلامي، لأن من الناس من يصلي الصلوات كلها في المسجد هنا في دولة غير إسلامية، فإذا سافر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس لا يصلي إلى الجمعة، والله المستعان. Chers musulmans, également, Parmi les comportements à adopter pendant le voyage, le fait de ne pas délaisser les obligations religieuses. Les vacances ne sont pas des vacances d'adoration. Allah nous dit « Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à ta mort. Les vacances ne signifient pas des vacances dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la tête de ces obligations, la prière. Il est recommandé de raccourcir les prières de 4 raka'at à 2 pendant tout le trajet, comme il est également permis de regrouper le dhuhr avec l'asr, soit à l'heure du dhuhr ou bien à l'heure de l'asr, et de regrouper le maghrib avec l'isha, soit à l'heure du maghrib, soit à l'heure de l'isha. Mais il est interdit de retarder plus que cela, car beaucoup de gens délaissent la prière pendant le voyage. Le soleil se couche et ils n'ont pas encore fait ni le dhuhr ni l'asr. Allah nous dit dans le Coran, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Mais il n'est pas permis de raccourcir la prière et regrouper sur votre lieu de vacances si votre séjour dure 4 jours ou plus. Vous devez accomplir la prière comme une personne résidente. Et il faut également accomplir la prière à la mosquée si cela vous est possible. Car certaines personnes accomplissent ici, dans un pays non musulman, toutes leurs prières à la mosquée. Puis lorsqu'ils voyagent au Maghreb, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, où les mosquées sont très nombreuses, où l'adhan retentit, ils ne font que la prière du vendredi à la mosquée. Ibadallah. Nakhtimu hadhihi khutbata bi dhikri zahiratin muzriyatin min ba'di muslimi Europa. Innaha zahiratu daf'i ar-rishwati fi buldanihim al-asliya. فبمجرد وصوله إلى بلده يدفعون الرشاوي في كل المناسبات ابتداء من المطار في المطار في الحدود الطرقية في الطرقات في الإدارات في كل الأماكن يدفعون الرشاوي وهذا الإنسان الذي ظل معظم عمره في دولة التقدم والحضارة إذا دخل السكان الذين يسكنون في هذه البلدان فإذا دخل بلده الأصلي ينشر الفساد والفوضى ويدفع الرشاوي والكثير يزعم أنه يحب بلده المغربي يقول أنا أحب المغرب الجزائري يقول أنا أحب الجزائر التونسي يقول أنا أحب تونس والذي يحب بلده حقيقة لا يعصي الله تبارك وتعالى فيه بل يسعى في إصلاحه وتحسينه وتجميله علما أن كل هذه الدول المغربية تسعى ما استطاعت لمكافحة الرشوة بجميع أشكالها فلا تهدموا رحمكم الله مشاريع بلدانكم الأصلية الحبيبة قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي الراشي هو المعطي والمرتشي هو الأخير رواه أبو داود والترمذي ويدل هذا الحديث على أن الرشوة من كبائر الذنوب يجب على الدافع لها والآخي لها أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى شكرا الله Nous allons clôturer ce discours en parlant d'un triste phénomène lié aux musulmans vivant en Europe. C'est le phénomène de la corruption dans leur pays d'origine, ce que l'on appelle un rishwa. Dès que certains musulmans vivant en Europe posent leurs pieds dans leur pays d'origine, ils cherchent à corrompre tout le monde, à chaque endroit, dès l'aéroport. Ils voient qu'il y a une longue file d'attente, hein, il essaye de passer devant tout le monde en essayant de donner un peu d'argent à la frontière, sur les routes, dans les administrations. Cet homme qui soi-disant a passé plus de la moitié de sa vie dans le pays de la modernité, dès qu'il rentre au pays natal, il se retrouve encore moins moderne que ceux qui vivent toute l'année là-bas. Et il propage le désordre en essayant de corrompre les gens. Et il prétend aimer son pays. Le Marocain prétend aimer le Maroc, l'Algérien prétend aimer l'Algérie, le Tunisien prétend aimer. supprimer la Tunisie et tous les autres pays. Mais celui qui aime véritablement son pays d'origine n'y désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il fait tout son possible pour l'améliorer, l'embellir et le moderniser. En plus, il n'y a pas un pays du Maghreb qui n'essaye de combattre ce phénomène qui est la corruption. Donc il ne faut pas détruire ceux qui essayent de construire le pays d'origine. Allah nous dit dans le Coran, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah maudit le corrupteur et le corrompu, rapporté par Abu Dawud wa Tirmidhi. Et donc ce hadith nous prouve que la corruption est un grand péché, et il faut que le corrupteur et le corrompu se répandent à Allah subhanahu wa ta'ala. بأموالهم وبأوقاتهم وبأعمالهم وبدعواتهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل جهودهم حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة وبارك لهم في أموالهم وفي أبنائهم وفي صحتهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين اللهم وفق المسافرين اللهم وفق المسافرين لما تحب وترضى اللهم اجعل سفرهم سفرا سالمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون